dans cette méthode de pratique, Sayadaw va parler de la façon dont nous pratiquons dans la position assise, la marche et dans les autres activités que nous faisons en plus de la méditation assise et en marche. Les personnes qui vont pratiquer la méditation Vipassana, pour eux, il est recommandé d'aller pratiquer dans des endroits calmes où le temps est clément, où ils peuvent pratiquer dans un endroit approprié, où ils sont libres des perturbations, où ils ne sont pas dérangés. Dans les suttas, il est dit qu'ils soient hommes ou femmes, de s'asseoir les jambes croisées. Mais en fait, il s'agit de s'asseoir de telle façon que ce soit confortable pour vous, pour rester assis pendant une longue période. Lorsque nous nous asseyons, la partie haute du corps devrait être droite. Si nous ne pouvons pas maintenir la partie haute droite, alors les muscles et la peau seront à l'étroit. La douleur va arriver plutôt rapidement et vous ne pourrez pas vous asseoir longtemps si le dos n'est pas droit. Si nous ne pouvons pas nous asseoir de façon droite, la douleur va arriver rapidement. Et si nous ne pouvons pas supporter la douleur et que constamment nous bougeons de ci, de là dans le but de soulager cette douleur, le corps ne sera pas calme. Et donc, l'esprit ne sera pas calme non plus. Dans la pratique de Vipassana, nous devons commencer par calmer le corps. Donc, être dans un endroit calme et s'asseoir de façon droite, dans une position confortable et respirer de façon normale, et poser la main, par exemple la main droite sur la main gauche, ou les deux mains sur les genoux, ou alors le long du corps, c'est comme vous le voulez. Lorsque vous êtes assis d'une façon confortable, portez votre attention sur l'abdomen. Et quand vous inspirez, portez votre attention sur le mouvement de soulèvement de l'abdomen. Notez soulèvement, soulèvement. La chose importante est de le noter, de le savoir. Ensuite, après que l'abdomen se soit soulevé, lorsque vous expirez, lorsque l'air sort, l'abdomen s'abaisse, portez votre attention sur l'abaissement de l'abdomen. Sachez que l'abdomen est en train de s'abaisser. Parfois, le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen ne sont pas clairs. Ils ne sont pas évidents. Dans ce cas-là, vous pouvez mettre une main au-dessus de l'abdomen et c'est une façon d'observer les mouvements. Avec le temps, les mouvements deviendront plus clairs. Lorsque les mouvements de l'abdomen ne sont pas évidents, ne forcez pas la respiration pour mettre le mouvement plus évident. Respirez normalement. Essayez de fixer votre attention sur le mouvement du début de soulèvement jusqu'à la fin. Portez votre attention sur le mouvement du début à la fin et observez-le. Ensuite, quand vous notez de cette façon l'abaissement et le soulèvement de l'abdomen, observez si votre esprit peut rester sur le mouvement. Est-ce qu'il peut rester du début jusqu'à la fin? Vous avez juste besoin de focaliser votre esprit. Parfois, il peut arriver que vous puissiez seulement observer le début, pas la fin. D'autres fois, vous pouvez voir le début et la fin, mais pas le milieu. Vous devez essayer d'observer le mouvement en entier. Avec un esprit concentré, essayez de porter l'attention sur cela. Quand vous notez le soulèvement de l'abdomen, quand l'abdomen se soulève et que vous l'observez, vous devez faire attention. Le soulèvement apparaît et vous notez soulèvement, soulèvement. Soyez attentif. Qu'est-ce que vous êtes en train d'observer? Est-ce que vous voyez le ventre? Est-ce que vous voyez l'abdomen? Ou percevez-vous le mouvement de l'abdomen? Vous devez faire attention à ce qui se passe. Qu'est-ce que vous observez? Parfois, vous voyez le ventre, l'abdomen en lui-même. Parfois, vous voyez le mouvement, l'action de bouger de l'abdomen. Quand le soulèvement apparaît, c'est parce qu'il y a de l'air qui entre. La nature de l'air est qu'il peut rendre les choses tendues. Vous pouvez ressentir qu'il est en train de pousser. Vous pouvez ressentir une tension. Ceci est la nature de l'air. Et c'est important. C'est important de l'observer. Lorsque l'esprit est concentré, ses qualités sont apparentes. Lorsque nous pratiquons la méditation, nous concentrons sur le soulèvement et l'abaissement. Nous devons parler de cela au professeur. C'est de cela que nous devons parler lorsque nous venons faire les interviews au professeur. Nous devons lui dire ce qui se passe. Lorsque le soulèvement apparaît, nous focalisons notre esprit sur le soulèvement. Est-ce que nous pouvons l'observer du début jusqu'à la fin? Ou est-ce que nous ne pouvons pas? Si je peux l'observer, qu'est-ce que je vois? Est-ce que je vois l'abdomen, la forme de l'abdomen? Ou est-ce que je le vois se soulever? Est-ce que je le vois s'étendre? Ou est-ce que je vois les propriétés de l'air? Est-ce que je vois les qualités de l'air, comme lorsqu'il serre, ou une tension, ou le fait de pousser? Ou est-ce que je ressens de la vibration? C'est ce genre de détails que le yogi doit dire pendant ses interviews. Quand ils peuvent noter le soulèvement, qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils perçoivent? Pendant que vous notez le mouvement de soulèvement et d'abaissement, l'esprit peut partir, peut vagabonder, il peut commencer à réfléchir. L'esprit peut partir au bureau ou à la maison, et dans ce cas-là, notez-le. Quand cela se produit, notez « Oh, parti au bureau, parti au bureau ». Notez-le 2, 3 ou 4 fois, puis ramenez l'esprit. Quand l'esprit part à la maison, notez « Oh, parti à la maison, parti à la maison ». Notez-le 3 ou 4 fois, puis ramenez l'esprit au mouvement de l'abdomen. Parfois, pendant que nous notons le soulèvement et l'abaissement, il se peut que vous rencontriez quelqu'un dans votre esprit. Vous voyez la personne et vous commencez à lui parler. Dans ce cas-là, notez, parlez, parlez, parlez. Parfois, en lui parlant, nous sommes contents ou nous sommes en colère. Dans ce cas, notez, content, content, en colère, en colère. Notez ce qui se passe dans l'esprit. Ensuite, revenez au mouvement de l'abdomen. Au début, il y a beaucoup d'occurrences de ce type. L'esprit fait ce genre de choses. Quand cela arrive, que vous avez besoin de quelqu'un ou que quelqu'un vous manque, juste le fait d'avoir besoin, notez avoir besoin, notez manquer, manquer. Ensuite, revenez à l'abdomen. Il se peut parfois que vous oubliez de noter que vous avez vu quelqu'un en esprit et que vous avez commencé à lui parler. Si nous arrivons à remarquer que nous avons parlé à la personne, dans ce cas-là, notez « parler, parler ». Notez-le 3 ou 4 fois et puis revenez à l'abdomen. Parfois, vous êtes content ou d'autres fois, vous pouvez être en colère. Dans ce cas-là, notez « content ». Content, en colère, en colère. C'est cela, noter l'esprit, ce qui se passe dans l'esprit. Ensuite, revenez. Cela s'appelle noter l'esprit. Au début de la pratique, il y a beaucoup d'occurrences de l'esprit de ce genre. L'esprit fait cette sorte de choses. Quand il arrive que vous ayez besoin de quelqu'un, ce n'est pas important de savoir de qui vous avez besoin. De savoir que telle ou telle personne vous manque. C'est le fait d'avoir besoin. Ou quand vous parlez à la personne, ce n'est pas important ce que vous dites à la personne. C'est le fait que vous avez besoin, avoir besoin, et le fait que vous avez parlé, parlé. Vous notez ce qui se passe. C'est le fait de parler dans l'esprit. C'est ça qui doit être noté. C'est cela l'observation de l'esprit. Nous devons observer ce qui se passe dans l'esprit. C'est ce qui s'appelle Chittanupassana de Satipatthana. C'est l'observation de l'esprit et non pas du contenu. C'est l'action de penser, pas de rentrer dans le contenu de la pensée. Lorsque vous avez des entretiens, vous devez le dire au professeur. Quand des pensées surgissent, est-ce que vous pouvez le noter ou pas? Vous devez dire, quand la pensée arrive, je peux le noter ou je ne peux pas le noter. C'est ce que vous devez dire. Pouvez-vous le noter immédiatement ou pas? Et une fois que vous l'avez noté, est-ce que la pensée s'arrête ou continue-t-elle? Dites à Sayado, quand une pensée arrive, je peux le noter immédiatement. Ou alors, dites, je ne peux pas le noter immédiatement. Quand une pensée survient, le yogi le note et ensuite il retourne à l'objet primaire d'attention. Pouvez-vous ramener l'esprit à l'objet primaire d'attention? Or, continuez-vous de réfléchir, de penser, après avoir noté? C'est cela que vous devez dire au professeur pendant les entretiens. Quand nous pratiquons la méditation assise pendant un petit peu de temps, des douleurs et des engourdissements peuvent apparaître. Portez votre attention sur la douleur. Notez douleur, douleur, engourdissement, engourdissement. Notez quand la douleur apparaît et est-ce que vous pouvez le noter ou pas? Dites-le pendant l'entretien. Quand nous méditons en position assise, nous nous asseyons dans une posture confortable. Si des douleurs apparaissent et que nous changeons de position pour ajuster parce que nous ne pouvons pas supporter la douleur, alors ce ne sera pas facile pour nous d'installer la concentration. Le plus important lorsque la douleur arrive est de la supporter patiemment. Si nous changeons de posture pour nous soulager souvent, ce ne sera pas facile pour la concentration de s'installer. Ce que nous devons faire, c'est de porter notre attention sur la douleur et de l'observer. Lorsque la douleur apparaît et que nous l'observons, alors nous arriverons à comprendre la nature de la douleur. Il ne faut pas s'en inquiéter. Nous sommes juste en train d'essayer de comprendre la nature de la douleur. Et si nous l'observons, nous gagnerons en concentration, qui est nécessaire pour surmonter la douleur. C'est le processus pour observer Vedanupassana de Satipatthana, qui est l'observation de la douleur ou de Vedana. Une autre chose qui peut se produire lorsque nous pratiquons de cette façon, même si nos yeux sont fermés, nous pouvons voir quelque chose dans notre esprit, que ce soit un son qui apparaît ou un goût. Il se peut qu'une odeur apparaisse à notre nez, un son à nos oreilles, un goût dans notre bouche ou un toucher que nous expérimentons. Ils sont connus par l'esprit. Donc, quand une image apparaît à l'esprit, nous notons « voir, voir ». Si un son est entendu, nous notons « entendre, entendre ». Si une odeur apparaît, nous notons « sentir, sentir ». Si un goût apparaît, nous notons « goûter, goûter ». Ce sont des choses qui peuvent apparaître lorsque nous sommes en train d'observer le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. Après les avoir notées, nous retournons au soulèvement et abaissement. Si cela apparaît alors que nous sommes en train de noter la douleur, alors nous notons puis nous retournons à la douleur. Si nous pratiquons de cette façon, s'il y a un son qui apparaît mais qui est permanent dans l'environnement, un son qui est continu dans l'environnement, ne restez pas sur ce son, ce n'est pas nécessaire de continuer de le noter. Si c'est une odeur qui apparaît dans l'environnement et qui continue de se manifester, ce n'est pas la peine de le noter à chaque fois non plus. Ne restez pas sur l'odeur. lorsque ce sont des bruits de fond qui sont dans l'environnement, ce n'est pas la peine de les noter tout le temps. En revanche, pour les bruits ou les sons qui apparaissent ponctuellement et qui peuvent vous déranger, cela, il faut les noter. Parfois, il peut y avoir des odeurs désagréables. Dans ce cas, vous les notez. Notez ces odeurs. Sentir. Ou si ce sont des bruits qui apparaissent de temps en temps, notez entendre. Ensuite, revenez au mouvement de l'abdomen. Lorsque nous observons de cette façon, c'est comprendre les phénomènes qui se produisent. Cela s'appelle Dhammanupassana Satipatthana. C'est l'observation du Dhamma, un des quatre fondements de l'attention. Donc nous avons les quatre objets d'observation, les objets physiques, en notant le soulèvement et l'abaissement, ou les mouvements du pied et de la jambe, soulever le pied, placer, ou l'observation des membres du corps lorsque nous nous penchons, lorsque nous nous étirons. Cela est l'observation du corps. Il y a aussi l'observation des sensations, Vedana Nupassana Satipatthana, avec l'observation de la douleur. Puis il y a aussi l'observation de l'esprit, les objets mentaux qui apparaissent à l'esprit, Citta Nupassana Satipatthana. Et la quatrième catégorie d'objets d'observation, Dhamma Nupassana Satipatthana. Ce sont les quatre catégories d'objets d'observation. Nous devons juste continuer à les observer. C'est la façon de pratiquer la méditation assise. Maintenant, les yogis savent ce qu'il faut faire pendant la méditation assise. Et maintenant, vous savez aussi ce qu'il faut dire à Sayado pendant les interviews. De cette façon, Sayado pourra vous donner des instructions plus précises sur la pratique de la méditation assise. Quant à la pratique de la méditation en marche, vous devez porter votre attention sur les mouvements des jambes, le pas droit, le pas gauche et l'action de marcher. Commencez avec pas droit, pas gauche et puis ralentissez vos pas. Quand la jambe se soulève, notez soulever. Puis nous portons notre attention sur le mouvement de poser. Notez, poser. Essayez de porter votre attention sur soulever la jambe, placer. Nous le voyons avec l'esprit. Donc pour chaque jambe, essayez de porter votre attention tout d'abord sur pas gauche, pas droit. Et ensuite, portez votre attention sur le soulèvement de la jambe, placement, soulever, placer. La chose importante est de concentrer notre esprit sur les pas des jambes. Donc, au début de la pratique, les méditants doivent observer, par exemple, pour la méditation en marche, si elle dure une heure, pour les 30 premières minutes, commencez par observer pas droit, pas gauche, pas droit, pas gauche. Puis les 30 autres minutes, observez le soulèvement de la jambe, puis placer. C'est mieux de pratiquer de cette façon au début. Par la suite, Sayado vous donnera d'autres instructions pour la marche. La troisième phase pour la méditation en marche est d'observer pour chaque pas se fait en trois parties. Soulever, avancer et poser. Mais cette observation vient après que nous ayons une fondation solide d'avoir observé pas gauche, pas droit, puis levé, placé pour chaque pas. Pour le moment, les yogis doivent pratiquer pas droit, pas gauche, pas droit, pas gauche. Ensuite, levé, placé, levé, placé. Ça, c'est chaque pas en deux parties. Pratiquez donc d'abord la méthode 1, qui est juste de noter que pour un pas, c'est pas droit, pas gauche. La méthode 2 se fait en deux parties. Pour un pas, c'est levé et placé. Puis Sayado vous expliquera par la suite comment faire la méthode en trois parties, en trois notes. Quand nous pratiquons la méditation en marche, il y a deux choses qui sont nécessaires pour installer la concentration. La première chose est de restreindre les yeux. Gardez vos yeux tournés vers le bas. Ne regardez pas à gauche, à droite ou autour. Parce que si nous regardons alentour, si nous regardons le ciel ou autour de nous ce qui se passe, notre esprit, notre attention va se porter vers les endroits que nous regardons. C'est pourquoi c'est très important de restreindre la vue, de restreindre les yeux. La seconde chose qui est nécessaire, c'est de concentrer notre esprit sur le fait de bouger, sur le mouvement. Si le yogi est en train d'observer le pas gauche, c'est de garder son esprit sur ce pas gauche, le mouvement du pas gauche, et non la jambe. Lorsqu'il observe le pas droit, c'est d'avoir l'esprit sur le mouvement du pas droit, de la jambe droite, mais pas de la jambe elle-même. C'est le mouvement de la jambe qu'il faut observer. Si nous avons ces deux choses, les deux choses dont Sayado vient de parler, restreindre les yeux et porter l'attention sur le mouvement, alors nous aurons la concentration pendant la méditation en marche. Quand les yogis pratiquent la méditation en marche, il n'est pas nécessaire d'aller très loin. Choisissez une piste de marche qui fasse 20 à 25 pas. Et faites des allers-retours sur cette piste de marche. Une autre chose importante est de garder les bras ensemble. Les bras peuvent être mis devant ou derrière dans le dos. L'important est qu'ils ne balancent pas. C'est important. Une autre chose pendant la méditation en marche. Les pas n'ont pas besoin d'être grands. Ne faites pas de trop grands pas. Et lorsque vous notez soulèvement du pied et placement, soulever et placer, il n'est pas nécessaire que vous alliez à un rythme très très lent. Ce n'est pas nécessaire d'exagérer le mouvement. Ralentissez juste suffisamment de telle sorte que vous puissiez l'observer. Avancez de façon normale, juste un peu plus lente pour pouvoir l'observer. Tout comme vous avez besoin de dire à Sayado pendant les entretiens la façon dont vous notez les soulèvements et l'abaissement de l'abdomen, vous devez dire à Sayado la façon dont vous notez la marche. Pouvons-nous observer les pas du début à la fin? Pouvons-nous observer le soulèvement du pied du début jusqu'à la fin du soulèvement? Et qu'est-ce que nous observons? Nous devons dire à Sayado ce que nous voyons, ce que nous observons pendant que nous essayons de noter. Et lorsque vous arrivez à la fin de la piste de marche, ne vous tournez pas immédiatement. Soyez conscient de la posture debout. Portez votre attention juste sur cela. Sur cette posture debout. Notez debout, debout, pendant 3 ou 4 notes. Puis, au moment où vous allez tourner, notez que vous allez tourner, tourner, en 3 ou 4 notes. En gardant votre attention sur tout le corps lorsque vous êtes en train de tourner. Puis, lorsque vous faites face de nouveau à la piste de marche, notez la posture debout, debout. Et c'est seulement lorsque vous allez commencer à marcher que vous observez de nouveau les mouvements de la jambe. Jambe gauche, jambe droite. Jambe gauche, jambe droite. Pas la jambe, mais le mouvement ou soulèvement, soulevé, placé. Soulever, placer. Retenez que lorsque vous arrivez à la fin de la piste de marche, ne vous tournez pas immédiatement. Restez en posture debout, notez la posture debout, puis notez lorsque vous vous tournez en plusieurs notes et à nouveau la posture debout avant de vous mettre en mouvement. Voilà ce qu'il faut savoir concernant la méditation en marche, comment pratiquer et ce qu'il faut dire à Sayado pendant les entretiens. Par la suite, Sayado donnera les instructions nécessaires pour continuer dans la pratique. En dehors de la pratique de la méditation assise et en marche, il y a ce que nous appelons les activités quotidiennes. Observez tous les mouvements que nous faisons, comme de nous étirer ou de nous pencher, étirer la jambe, ouvrir une porte, manger, boire. À chaque fois que nous faisons un mouvement avec notre corps, essayez de l'observer avec votre esprit. Nous avons juste besoin d'aller plus lentement. Aller lentement de telle sorte à pouvoir observer. Nous avons vraiment besoin de ralentir et de cette façon, ce ne sera pas trop difficile d'observer ce qui se passe. Quelle que soit l'action que nous faisons, nous devons le faire comme si nous étions malades, de façon lente. Tout comme une personne qui a mal au dos, elle fait au ralenti lorsqu'elle se met debout ou lorsqu'elle se met en position assise. Ils le font lentement. Tout comme une personne malade ne peut pas faire des mouvements rapidement, elle le fait de façon lente. De la même façon, si les yogis arrivent à ralentir leurs gestes et leurs mouvements, ils seront capables d'observer ce qui se passe. Et la concentration pourra s'installer. Maintenant, les yogis ont 3 types d'activités. La pratique de la méditation assise, de la méditation en marche et l'observation des activités quotidiennes. Il y a juste ces 3 choses, ces 3 activités à observer. Et si vous pouvez le faire, la concentration sera bonne. Nous respectons Sila comme fondation de la concentration, comme support à la concentration. Puis nous observons de la façon dont nous venons d'être instruits. Cela va bâtir la concentration et cela va nous apporter une sorte de paix. Sayado espère que vous serez capable d'observer d'après les instructions, que vous développerez la concentration et que vous atteindrez la paix. Satu, satu, satu. Sadu, sadu.